On a beaucoup parlé dans Podcast Science de l'évolution des animaux, de nous, mais ce ne sont pas vraiment les seuls êtres vivants sur notre belle planète, loin s'en faut. Ce soir, on rétablit l'équilibre en abordant l'évolution des plantes. Nous sommes le 15 décembre 2015 et c'est l'épisode 242. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue donc dans l'épisode 242 qui correspond au nombre de déplacements d'une reine dans un échiquier de dimension 5, tout va bien. Autour de la table ce soir, une table très biologique qui va peut-être pas rester longtemps parce que on a Pierre autour de la table qui va donc peut-être pas rester toute l'émission. Salut Pierre. Salut, je me poste tout de suite en faux. Certes, il n'y a pas que des animaux dans l'évolution, mais en tout cas, ce sont les seuls organismes intéressants dont il faut parler. Voilà. D'accord. J'ai cru que t'allais, parce que sur chaque mot, je me suis dit, merde, être vivant, est-ce que c'est bon? Animaux, est-ce que c'est bon? Plantes, est-ce que c'est bon? Je crois déjà que plantes, c'est pas tout à fait correct, ou du moins que ça va mériter des précisions ce soir. Tout à fait. On a justement Irène qui va nous faire un fantastique dossier. Salut Irène. Bonsoir, bonjour, bonsoir, je sais plus. Ça dépend, de ton côté c'est plutôt bonjour, d'une autre c'est plutôt bonsoir. On a donc Irène qui est en Californie, nous avons dans les coulisses Julie qui est en train de continuer à remplir les notes d'émission, qu'on entendra peut-être mais pour l'instant elle n'est pas connectée. Et on a Pascal qui est dans la chatroom qui a tout préparé comme il faut et puis moi-même depuis Paris. Au sommaire de l'émission de ce soir, donc on a le magnifique dossier d'Irène sur l'évolution des plantes, en ayant fait de grandes erreurs sans doute en donnant le titre, mais elle va tout nous expliquer. Le pitch de la semaine prochaine, parce que cette fois c'est une émission qui est que sur un épisode, fantastique. Une côte, le rappel du quiz du mois, quelques plugs, et puis ce sera tout. Et comme on n'aura pas longtemps Pierre Kerner qui a plein de choses à rajouter, je propose d'y aller tout de suite. Oui, allons-y, je vais me jeter dans l'eau, ça y est. Donc, en fait, le titre est correct, finalement. C'est quand même bien une histoire des plantes dont on va parler ce soir. Mais j'aimerais quand même faire quelques préliminaires, quand même, avant de vraiment m'y lancer. D'abord, je voudrais dire que ce podcast n'est pas une discussion sur l'évolution. Et si vous ne croyez pas en l'évolution, ce n'est pas la peine de perdre votre temps, parce qu'il ne s'agit que de cela ce soir. Donc, et ce n'est pas la peine de nous envoyer des emails pour nous dire que ça n'existe pas. Mais on a tout fait pour plus avoir d'auditeurs comme ça, tu sais, hein, je crois que ça fait longtemps maintenant. Je peux dire après, déjà un truc chiant sur cette phrase ou pas? En fait, on est ouvert à la discussion, hein, mais c'est vrai que c'est pas le sujet ici. Donc la discussion, c'est pas est-ce qu'il y a une évolution ou non. Ouais, voilà. Je pense qu'en fait, il faudrait pas dire genre est-ce que vous croyez pas en l'évolution, est-ce que vous êtes capable de constater qu'il y a un fait d'évolution ou pas. Point. Je voulais dire aussi, ce n'est pas un cours magistral. Si vous avez besoin d'un cours magistral sur l'évolution, ce n'est pas non plus ce que je vais faire. Il y a beaucoup de raccourcis, il y a des accélérés. J'ai évité parfois des discussions, des descriptions longues et fastidieuses. Donc, ce n'est pas non plus le but du jeu. On va le voir ce soir. Probablement, les termes botaniques, c'est parfois difficile. C'est vraiment très précis dans le contexte de l'évolution. Donc, ce n'est pas du tout le but du jeu ici non plus. Je vais aussi parfois citer des noms de périodes qui peuvent paraître compliquées, hein, toutes les périodes de au cours du temps. C'est pas nécessaire de les retenir, certainement pas. C'est pas non plus nécessaire de les connaître. Ça peut aider ceux qui les connaissent pour se donner une référence dans le temps, mais c'est tout en fait. Et puis surtout, je voulais vraiment dire merci, mille fois merci à Topo, vraiment pour toute son aide. Le site Facebook qu'il a créé, For the Darwin, qui vraiment j'ai reçu des corrections très très très précieuses qui m'ont empêché de dire de grosses bêtises, probablement peut-être pas toutes, on va voir ce soir, mais c'est vrai que j'ai voulu me lancer dans ce dossier parce que je trouve ça vraiment très très intéressant. Ceci étant dit, je veux pas dire que j'y connais rien, parce que ça serait horrible de dire que je veux faire un dossier quand j'y connais rien, mais vraiment, je suis vraiment pas... L'évolution, c'est pas mon domaine de prédilection. Et en plus, on le verra, c'est quand même... En ce qui concerne, enfin, c'est probablement la même chose avec les animaux, mais avec les plantes, c'est compliqué. Et ouais. Il est très possible que je fasse des erreurs de nomenclature, de taxonomie, des erreurs d'un point de vue évolutif, c'est pas exactement vrai. Donc, tant que Pierre pourra me corriger, ça sera super. Et puis, sinon, on aura aussi les auditeurs. Vous pouvez tous nous faire des retours comme d'habitude. L'intérêt, c'est justement qu'on ait une émission en ligne, donc qui est ouverte à plein de remarques. Et puis, on n'hésitera pas à faire un autre épisode s'il y a besoin de faire des compléments. De toute façon, ouais. Je crois que tu peux y aller gaiement. Ouais. On va y aller. Alors juste une petite pour rendre un petit peu à César ce qu'il y a à César. Faut dire quand même que c'est Ben de Nota Bene qui a proposé de faire des groupes Facebook d'experts, qui a proposé ça comme idée, et c'est vraiment une idée assez génialissime parce que quelle que soit la personne qui intervient, quel que soit, même si c'est un expert, etc., de pouvoir mettre sur table comme ça des sujets à l'avance, d'ouvrir des discussions, ça permet juste de se rendre compte que même quand on a l'impression de maîtriser un sujet à donf, ça vaut le coup de se faire relire à l'avance. Et je pense qu'en plus, que même maintenant, ça vaudra le coup après de reposter ça sur le groupe Facebook, de rentraîner la conversation, que ce soit une conversation toujours, toujours maintenue. Quoi, parce que c'est vraiment très, très... Enfin, je ne sais pas ce que tu en as senti, Irène, mais moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Moi, j'ai trouvé ça super. Hein. Franchement, ça m'a vraiment sauvée parce que j'allais dire des bêtises. Et non, c'est très constructif et ouais, c'est vraiment très utile. Ouais, vraiment. Cool. Eh bien, c'est tout à toi. Alors, donc, le but ce soir, c'est de parler des plantes et de savoir, pour moi, c'était de savoir d'où elles viennent et comment elles se sont formées. Et d'ailleurs, je dois dire aussi juste une dernière petite précision avant de se lancer dedans. C'est quand même aussi grâce à Pierre que j'ai eu l'idée de faire ce podcast quand il nous a parlé des virus, de la place des virus dans le monde vivant. Voilà, alors, allons-y. Alors, en toute logique, il faudrait d'abord définir ce que sont les plantes. Et on a eu une discussion avec Pierre, encore juste avant l'émission. C'est intéressant parce que selon les sources, les définitions, elles peuvent quand même varier. Par exemple, j'ai lu un livre de paléontobotanique, qui est vraiment l'étude des fossiles des animaux, qui me disait que les plantes, ce sont les organismes qui ont plusieurs cellules, qui utilisent la photosynthèse, dont les cellules possèdent un noyau. Vous savez, ce noyau, c'est ce sac qui contient l'ADN, les acides nucléiques, l'ADN, oui, enfin l'acide nucléique, et dont la membrane cellulaire contient de la cellulose, qui est une molécule qui est très, très solide, et puis aussi qui utilise l'amidon comme réserve. Donc ça, c'est une définition. Et dans ce livre, on nous disait, sont inclus les algues et les plantes vertes terrestres. Et alors là, pas du tout. En fait, selon les gens qui s'y connaissent aussi beaucoup, on n'inclut pas les algues dans les plantes vertes terrestres. Ça ne fait pas partie. Ce qui est plus correct de dire, c'est que parmi les algues vertes, certaines ont formé une lignée qui a donné les plantes. Voilà. Tout à fait. C'est toujours bien. Donc, on voit déjà que c'est pas évident. Donc, on va quand même dire que parmi les plantes, il y a les mousses, il y a les fougères, il y a les prêles et les plantes à graines et à fleurs. Et parfois, évidemment, c'est pas toujours très clair au commun des mortels comme moi. Par exemple, il y a des plantes terrestres qui sont retournées se mettre à l'eau, comme les posidonies, par exemple. On n'aurait jamais cru, mais on dirait que les posidonies, ce sont des algues. Eh bien non, ce sont bien des plantes terrestres. Alors, il y a des exceptions, évidemment, aussi. Par exemple, il y a des organismes qui sont capables de faire de la photosynthèse, qui ont une cellule avec un noyau, mais qui ne sont pas des plantes. Par exemple, ce qu'on appelle les euglènes, si vous êtes intéressé. Qui ont ces caractéristiques, mais qui ne font pas partie des plantes. Donc. Aussi ne font pas partie des plantes les champignons. On ne classe pas les champignons parmi les plantes. Et puis les bactéries, même celles qui font la photosynthèse, parce qu'il y a des bactéries qui font la photosynthèse, les bactéries ne font pas partie des plantes. Alors, tu peux éventuellement rajouter le fait que justement, parmi les plantes, il n'y a pas... Une partie des algues vertes a donné les plantes, mais on ne compte pas aussi parmi les plantes d'autres organismes multicellulaires chlorophylliens, comme les algues brunes et les algues rouges, qui ne sont pas des plantes non plus. Alors, pour rappel, la photosynthèse, c'est quoi ? C'est un mécanisme qui permet donc aux organismes qui l'utilisent, donc aux plantes aussi, d'utiliser l'énergie solaire pour la transformer en énergie chimique. Et en pratique, ça veut dire que ces organismes utilisent notamment le gaz carbonique de l'air. Ils utilisent l'énergie photon du soleil pour fabriquer des molécules comme des sucres et d'autres molécules. Tout cela en rejetant donc de l'oxygène. En gros, la photosynthèse, c'est ça. Alors, je voulais aussi, pour le commun des mortels, donner une description un peu plus générale des plantes aussi. Alors, je suis allée voir Wikipédia et je sais que ce n'est pas la source ultime des meilleures informations, mais encore une fois, pour faire de la vulgarisation, et puis parfois, moi, ça me va très bien. Je n'ai pas de problème à l'utiliser, en fait, si ce n'est qu'il faut faire attention parfois, je suis bien d'accord. Bref, en fait, je pense que ce que je vais dire n'est pas faux. Donc, les végétaux produisent leur propre matière organique à partir de sels minéraux puisés dans le sol. Ils utilisent aussi le gaz carbonique de l'air qui est assimilé par les feuilles en utilisant donc l'énergie solaire. Ce sont des organismes qui sont généralement fixés au sol par des racines, bien qu'il y ait des exceptions, évidemment. Ça les rend donc très dépendants des conditions de leur environnement. Ils ont des tissus qui sont peu différenciés en général par rapport aux animaux. Et on verra d'ailleurs que c'est pour ça qu'ils sont très résistants dans le temps. Et puis, les plantes ont besoin de différents éléments rassemblés pour survivre et pour pousser. Donc, le premier, c'est bien la lumière pour la photosynthèse qui apporte l'énergie. Elles ont besoin d'eau, elles ont besoin de la terre d'où elles tirent leurs nutriments et l'air dont elles extraient donc le dioxyde de carbone, le CO2. Voilà, en gros, ça donne une idée de ce que sont en fait les végétaux. Alors, voyons comment elles se situent dans l'arbre du vivant. C'est vraiment pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce podcast. Pour moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait. D'où viennent les plantes, en fait. Alors, juste pour pouvoir recadrer un tout petit peu, il y a quand même une petite distinction qu'on peut faire entre plantes, qui est un terme qui est assez correct. On pourrait élargir le terme et dire que les plantes sont des chlorobiontes. Et par contre, végétaux, c'est plutôt un terme comme légumes, c'est-à-dire c'est pas véritablement c'est plutôt un terme vernaculaire qui n'a pas de grand sens scientifique. Donc, moi, je te conseille pour la présentation de laisser de côté végétaux, puisque c'est vrai que c'est un peu vague d'utiliser plantes. Et pour les puristes, il faudrait utiliser le terme de chlorobionte. Voilà. Bon, eh ben, on va utiliser plantes alors. Ouais, c'est mieux quand même. C'est vrai. Oui, c'est vrai. On en discutait aussi avec Pierre avant l'émission. Et il y a un équivalent dans le monde animal qui est ce qu'on appelle les vers en général, qui ne désignent pas un groupe spécifique d'animaux. C'est un peu un fourre-tout où on met des animaux qui se ressemblent un peu, etc. Enfin bref. Exactement. Alors, les premières traces de vie que l'on connaisse, elles datent probablement peut-être d'environ 3,8 milliards d'années. Dans l'eau, sans oxygène. Et puis, on va attendre environ 1 million d'années. Et donc, il y a environ 3,7 milliards d'années, il va apparaître là, apparemment, la photosynthèse dans l'eau. Alors, là encore, les puristes, c'est vrai, ils pourront dire apparemment, elle est apparue plusieurs fois dans l'évolution, la photosynthèse. Mais apparemment, la première trace qu'on en ait, c'est 3,7 milliards d'années. Et c'est grâce à des bactéries particulières qui peuvent faire de la photosynthèse. Et donc, à l'époque, elles rejetaient du soufre, non pas de l'oxygène. Donc, ça commence comme ça. Ensuite, ils sont apparus des bactéries qui vont utiliser du CO2 et là, elles vont produire de l'oxygène. Et ça, ce sont des bactéries bien particulières qu'on appelle les cyanobactéries photosynthétiques. Et ça, c'est important, ça marque une grosse étape parce que c'est comme ça qu'est apparu l'oxygène dans l'air de la planète. Et ça date d'environ 2 milliards d'années. Et donc, c'est comme ça que va apparaître un autre type de métabolisme, de fonctionnement des organismes vivants, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser la respiration, c'est-à-dire en utilisant l'oxygène. L'oxygène qui est donc dégagé par ces bactéries. Donc, c'est comme ça qu'est apparue la respiration il y a 2 milliards d'années. Ce qu'il faut se représenter, c'est que l'oxygène, l'événement qui accompagnait cette augmentation de l'oxygène dans l'atmosphère, il était C'était une catastrophe écologique dans un certain sens, parce que avec l'oxygène, il y a toutes les réactions d'oxydoréduction, il y a énormément de bactéries qui ont pas survécu en fait à cet événement. Donc celles qui d'une certaine manière ont respiré, celles qui ont utilisé l'oxygène, c'est celles qui ont été sélectionnées. Il y a eu une sélection, une énorme tamis évolutif pour avoir la sélection de ceux qui étaient capables de survivre déjà à l'oxygène et en plus de l'utiliser comme une ressource énergétique, quoi. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Alors, comme on ne classe pas donc les bactéries parmi les plantes, j'allais dire les végétaux, ça veut dire que donc la photosynthèse, elle est apparue avant les plantes elles-mêmes, même si on ne connaît pas toute l'histoire de la photosynthèse. Donc, la photosynthèse est quand même apparue avant les plantes. Donc, et pourquoi on ne les classe pas, les bactéries, parmi les plantes? Parce qu'elles ont une organisation différente. Hein. Alors, ces bactéries photosynthétiques, hein, elles ont des pigments, des molécules à l'intérieur qui leur permettent donc d'effectuer la photosynthèse, tels que, par exemple, on les connaît bien, ces noms de la chlorophylle. On sait que les végétaux verts ont de la chlorophylle, c'est ce qui permet de faire la photosynthèse. Et ces chlorophylles, elles sont contenues dans des petits sacs qui ont une structure bien caractéristique. Le terme scientifique, c'est thylakoïde, et on en reparlera un tout petit peu plus tard. Et donc, ces bactéries photosynthétiques, en fait, elles existent toujours de nos jours. On peut toujours en rencontrer. Elles forment des grosses colonies, de larges colonies qui sont très gélatineuses. Et on les a joliment appelées, par exemple, les crachats de lune ou le beurre de sorcière. Je voulais citer aussi la spiruline, qui est connue aussi parce qu'on la cultive beaucoup pour l'alimentation humaine et animale. Et ces bactéries, elles produisent beaucoup de fer. Elles produisent du fer en grande quantité qui est très largement exploité, par exemple, au Brésil et au Canada. Et si elle porte son nom, c'est parce que la spiruline, en fait, si on regarde la structure unicellulaire de ces petites bactéries, en fait, elles forment des toutes jolies petites spirales. C'est très mignon. Oui, c'est très joli, oui, c'est vrai. Alors... À côté du fait que l'oxygène dégagé a permis la respiration, ça a aussi permis la création de la couche d'ozone, qui protège donc la surface de la Terre des radiations solaires. Et tout ça a fait que les organismes vivants ont évolué vers la complexité et notamment deviennent pluricellulaires. Donc ça, c'est une grosse étape aussi. C'est qu'on est passé d'organismes très simples qui ont une cellule à des organismes qui en possèdent plusieurs. Alors, juste pour pouvoir mettre un petit grain de sel sur cette description. Alors déjà, le passage d'unicellulaire à pluricellulaire, il s'est fait de très très nombreuses fois au cours de l'évolution des eucaryotes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a au moins 20 fois des groupes d'organismes unicellulaires qui sont devenus pluricellulaires. Donc, faut pas s'imaginer que c'est une étape qui a été faite en une fois et puis après c'était fini. En fait, ça a été fait plein de fois au cours de l'évolution et de manière séparée. Et d'autre part, il y a parfois eu même des organismes pluricellulaires qui sont redevenus unicellulaires. C'est assez courant et je crois que c'est connu parmi le groupe des champignons. Donc, le passage du plus simple au plus complexe, déjà, ce n'est pas une fin en soi, ça s'est fait plusieurs fois et parfois à l'envers. Ouais. Et en termes de simplicité, il y a un professeur qui s'appelle Forter qui troque l'appellation de optimiser, quoi. C'est-à-dire qu'on considère à l'heure actuelle les bactéries non pas seulement comme simples, mais ultra sophistiquées, ultra optimisées pour les actions qu'elles sont capables de faire. Il compare un tout petit peu les organismes pluricellulaires à des énormes machines, un tout petit peu comme les gros ordinateurs des années 30 qui marchaient à bobine, etc. Et les bactéries à des micropuces qui sont unicellulaires, c'est-à-dire très très très rapides. Super efficace. Super efficace, mais par contre pour un nombre très très petit d'actions, quoi. Ouais, efficace et spécialisé, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, il ne faut pas s'imaginer non plus que là, les bactéries, une fois qu'on a eu des cyanobactéries, elles se sont arrêtées au cours de l'évolution. Non, non, elles ont continué pendant les 3 milliards d'années à évoluer et devenir de plus en plus spécialisées pour leur action, même si leurs cousines, de leur côté, elles ont fait un autre chemin, comme par exemple la pluricellularité. Voilà. Oui, et c'est vrai que ça montre bien la complexité des phénomènes de l'évolution. Ce n'est pas une ligne droite, ce n'est pas simple comme ça. Hein, c'est ça, c'est buissonnant, exactement. Ouais. Alors, à cette époque aussi, il apparaît donc cette structure qu'on appelle le noyau, donc qui est un sac à l'intérieur de la cellule pour contenir les acides nucléiques. Donc, avec ça, on parle donc maintenant de cellules eucaryotes, d'une part, c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu, et puis ça veut dire aussi que la reproduction sexuée apparaît, donc une reproduction qui met en jeu les acides nucléiques. Alors, on ne sait pas non plus comment ce noyau est apparu, là encore, c'est un des points d'interrogation de l'évolution. Il y a de nombreuses hypothèses, en effet, qui discutent un tout petit peu l'origine du noyau. Certains considèrent que ça se trouve, c'est peut-être un virus, d'autres que c'est une bactérie. C'est un petit peu compliqué de savoir exactement quelle est l'origine évolutive. Sinon, la reproduction sexuée, ce qu'il faut se représenter, c'est que par rapport à la reproduction asexuée dont sont capables les bactéries, c'est-à-dire tout simplement la duplication, dans le sens, après la division d'une bactérie, on obtient deux bactéries filles qui sont quasi identiques d'un point de vue génétique. La reproduction sexuée, elle, permet un brassage génétique, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'héritage génétique d'une cellule qui est partagée avec une partie d'une autre cellule, qui sont mélangées et qui donnent un organisme par reproduction, mais qui est unique, qui ressemble aux parents, mais qui est unique aussi. Voilà, c'est ça la différence entre reproduction sexuée et asexuée. Alors, il y a aussi, à l'origine donc des plantes, il y a une théorie. Si Nico peut, il va nous mettre une illustration un peu simple dans la chatroom qui explique un petit peu l'hypothèse la plus intéressante ou peut-être ce qui est la plus admise aujourd'hui. Qui dit qu'il y a environ 3 milliards d'années, donc après la formation de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a environ 1,5 milliard d'années par rapport à aujourd'hui, on pense qu'il y a eu un certain type de bactéries qui ont été, on va dire, ingérées ou absorbées par une cellule donc eucaryote, mais qui est primitive, en fait. Donc, je pèse mes mots, là, il faut faire très attention. Pour l'instant, tout va bien. un certain type de bactéries, donc pour les gens qui connaissent, ce sont les protéobactéries, qui vont être ingérées ou absorbées par une cellule donc primitive, mais eucaryote, qui est un noyau. Cette cellule, d'ailleurs, on ne la connaît pas. Donc, c'est quand même... c'est encore dans le domaine... je ne sais pas jusqu'à quel point, là, non plus, comme je ne suis pas une experte, je passe... Si on peut dire que c'est encore dans le domaine de l'hypothèse où on a suffisamment de preuves pour dire que c'est quand même une théorie qui a été montrée. Mais... Non, là maintenant, on est vraiment sûr de cet événement. Le truc, c'est que... c'est-à-dire qu'on est sûr qu'il y a eu cet événement qu'on appelle l'endosymbiose, tu l'expliqueras dans un instant, après de reconstituer les caractéristiques de chacun de ses partenaires, c'est un tout petit peu compliqué. On sait probablement que la bactérie, c'était une protéobactérie. Mmh. Par contre, à quoi ressemblait la cellule eucaryote et à quoi ressemblait l'événement qui a mené à cette ingestion de protéobactéries par une cellule eucaryote, on ne sait pas trop. Ça, c'est vrai que ça reste un peu compliqué. Mais par contre, le fait qu'il y a eu cet événement, ça maintenant, c'est très, très, très confirmé, quoi. D'accord. Alors, ce qu'il en résulte, c'est que l'ingestion donc, de cette protéobactérie, de ce type particulier de bactérie par cette cellule primitive, ça a permis à cette cellule primitive de respirer, en fait. Ça a permis d'avoir une structure à l'intérieur qui lui a permis de respirer. Alors, du coup, cette protéobactérie, cette bactérie, elle a donné cette structure qu'on appelle maintenant la mitochondrie. Donc, dans nos cellules à nous, on a des mitochondries qui nous permettent, enfin, qui sont un des éléments qui permettent de respirer. Et puis ensuite, il y a environ 1 milliard d'années, il y a eu une deuxième symbiose, qu'on appelle une deuxième endosymbiose, c'est-à-dire une deuxième ingestion. Et là, c'était entre des cyanobactéries et ces mêmes cellules. Et donc, on l'a vu un peu plus tôt, ces cyanobactéries, ce sont donc des bactéries qui sont capables de faire de la photosynthèse. Donc, elles ont ces structures bien, bien spécifiques qui permettent de faire de la photosynthèse. Et comme elles ont été ingérées par cette cellule primitive qui est aussi capable de respirer, et bien là, c'est comme ça qu'il y a eu la formation. Donc, dans cette cellule primitive, il y a eu la nouvelle capacité à faire de la photosynthèse. Donc, il y a eu l'intégration de ces petits sacs qui sont bourrés de chlorophylle. Et c'est là qu'on a pu, c'est à partir de là qu'il y a pu y avoir donc, la formation d'une cellule eucaryote capable de photosynthèse. Donc, ce serait comme ça que seraient apparues les plantes. Donc, avec ces machines bien spécifiques qu'on appelle les chloroplastes qui permettent de faire la photosynthèse. Okay. Donc, la figure, c'est tu montres le scénario en fait, de l'ingestion de cette cyanobactérie à l'intérieur d'une cellule eucaryote qui possédait déjà des mitochondries. C'est ça. Parfait. À cette époque aussi, apparaît ce qu'on appelle un terme un peu difficile à définir, mais ce qu'on a, grosso modo, on va dire les algues. Alors, les algues, ce sont des organismes, grosso modo, hein, on va, il faut que je marche sur des œufs ici, qui sont unicellulaires ou pluricellulaires et qui ont aussi une structure de cellules avec un noyau. Donc, ce n'est pas des cellules primitives, ce sont des cellules eucaryotes. Donc, à cette époque, apparaît ce type d'organisme. Et ce qu'on sait, c'est que certaines de ces algues vertes, donc qui ont de la chlorophylle, elles ont donné la lignée des plantes. Voilà. C'est exactement ça. En fait, il y a c'est cet événement que tu as caractérisé, donc d'une cellule eucaryote avec mitochondrie d'une certaine manière, rentre en symbiose avec une cyanobactérie. C'est le premier événement qui a donné une lignée dont laquelle découlent des algues vertes, mais aussi toutes les plantes terrestres. Par contre, il y a d'autres algues, et c'est pour ça que le terme est compliqué, qui, plus tard, au cours de l'évolution, ont eux aussi récupéré la capacité de photosynthèse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette acquisition indépendante, elle s'est faite soit par acquisition elle-même de cyanobactéries, soit carrément parce qu'elles sont devenues en endosymbiose avec ces cellules eucaryotes là qu'on vient de décrire. Et on est capable de faire la distinction entre ces différentes algues, notamment en comptant le nombre de membranes qui entourent les chloroplastes. Et il y a certains de ces organismes pour lesquels on n'a pas juste une double membrane autour des chloroplastes, mais plus de membranes, genre trois membranes, quatre membranes, ce qui laisse suggérer qu'une cellule eucaryote a ingéré une autre cellule eucaryote et qu'elle est devenue photosynthétique après, et ce qui a donné une nouvelle lignée d'algues. D'accord. Et pour compliquer un tout petit peu, je mettais une anecdote aussi. Pendant un temps, les cyanobactéries, on les a appelées les algues bleu-vert aussi. Ouais, c'est super. Tu vois, la biologie, c'est tous des enfoirés, en fait. C'est bien ça. C'est pour ça que c'est tellement difficile à faire ce dossier. C'est qu'on a fait que des pièges, quoi. C'est que des pièges, ouais. OK, bon, continuons. Alors ensuite, c'est alors que, à cette époque, que va démarrer la conquête des terres émergées. Donc ça se passe environ 540 millions d'années. Et là encore, on ne sait pas trop comment, ni quand exactement. En revanche, la plupart des données, elles s'accordent à penser que les plantes terrestres descendent toutes donc, d'une algue verte multicellulaire. Et donc, on a bien dit, il existait à l'époque déjà d'autres algues, les algues rouges, les algues brunes, mais seules les algues vertes donc, partagent les caractéristiques spécifiques avec les plantes terrestres, hein, notamment les compositions chimiques, les pigments, l'amidon, tout ça. Donc voilà, on en est là. Donc c'est cette algue verte. Encore une fois, pour les puristes, on pense que c'est un groupe, le groupe des charophytes, qui sont des algues vertes douces qui existent encore aujourd'hui. Ça, c'est encore une théorie. Mais voilà. Alors pourquoi aussi les algues vertes ? Eh bien, c'est intéressant de voir la relation avec la disposition des algues aujourd'hui dans les océans. Donc on sait bien que les radiations solaires s'affaiblissent avec la profondeur de l'eau. Donc c'est pour ça que quand on va plonger, on a besoin de lumière, etc. Et donc les différents types d'algues qu'on rencontre aujourd'hui, ce sont des organismes qui se sont adaptés à tous ces niveaux de radiation. Et donc on voit bien, hein, si on va se baigner dans la mer aujourd'hui, que vers la surface, on a des algues vertes, puis on descend un peu, on a les algues brunes, et enfin, beaucoup plus profond, on a les algues rouges. Alors, c'est pour ça aussi qu'on pense que la colonisation de la terre ferme par les algues vertes, elle vient donc de cette formidable capacité d'adaptation de ces organismes. Notamment, il fallait qu'elles soient très résistantes aussi à la dessiccation, à la chaleur, aux fortes marées et puis à la lumière. Et c'est pour ça que c'était les meilleures candidates. En revanche, ce qu'on sait aussi pour l'anecdote, c'est que parmi les algues brunes, ce sont celles qui ont certainement le plus évolué parce qu'elles avaient les conditions en fait, les plus favorables. Elles étaient, c'est celles du milieu, finalement. Elles reçoivent toujours beaucoup de lumière. Elles sont un petit peu ballottées, mais pas trop. Alors du coup, elles ne sont pas trop ennuyées par les vagues et les marées. Mais comme ce sont quand même des eaux brassées, elles sont assez riches en gaz carbonique. Et elles devaient aussi, elles n'ont pas besoin de faire face au risque de la dessiccation. Et c'est pour ça qu'en fait, ce sont des algues qui ont beaucoup évolué. En fait, bon, ceci étant dit, les choses ne sont pas très claires. Donc, les algues vertes, c'est les meilleures candidates. Mais donc, elles ont dû s'adapter de par leur donc, position au niveau de l'eau à une diminution en fait, de la profondeur des océans. En fait. On est en fait une période qui s'appelle le Silurien, qui est une période d'assèchement général. Et donc, les océans ont diminué de profondeur et le littoral est apparu. Et donc, c'est là que ces algues vertes, elles ont dû s'y adapter. Donc, on pense toujours à ce que les algues sont sorties de l'eau, peut-être. Ou, en fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est plutôt les océans qui ont baissé de niveau, en fait. Et alors, à l'époque, eh bien, il n'y avait pas la moindre trace de vie en dehors de l'eau. Il n'y avait ni végétal, ni animal. Il n'y avait que du minéral, pas d'humus, pas de sol, que des roches nues. Et donc, à partir de là, il y a quand même plusieurs hypothèses hein, sur l'apparition des premières plantes terrestres. Alors, voyons ce qu'on sait un peu de cette transition. Juste, je vais dire, tu utilisais quand même les algues, le terme de d'évoluer pour dire parmi les algues brunes sont celles qui ont le plus évolué. En fait, ce sont celles qui sont plus diversifiées, c'est ça le terme qui est adéquat, parce que les autres aussi, elles ont évolué dans le sens où elles ont subi le même temps d'évolution. Mais en gros, il y a eu une diversification à ce moment-là des algues brunes, mais c'est... Oui, le terme évolution, il est pas, oui, c'est pas exact. Ouais, parce qu'on a l'impression du coup que là, moi je comprends parce que ce terme-là, il peut prendre ce sens-là, mais il y a une petite ambiguïté avec les gens qui pensent que à ce moment-là, c'est elles qui prennent plus de complexité. Alors que ce que tu voulais dire, c'est juste à ce moment-là, les algues brunes se sont diversifiées. Et il y a eu un boom d'une certaine manière du nombre d'espèces à ce moment-là, quoi. Exactement. Ouais. C'est vrai qu'on utilise souvent le mot évolution d'une façon pas très rigoureuse, en fait. Ouais. Ouais, mais c'est pas facile. Et en plus, il y a des subtilités entre le terme francophone et le terme anglophone. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà entendu parler souvent des anglophones de cette manière-là, peut-être avec un peu moins de rigueur, alors qu'en francophone, ça passe moins. Allons-y pour la conquête des terres. Allons-y pour la conquête des terres. Alors, on pense que la première plante terrestre, enfin, en tout cas celle qui a été identifiée, elle a un joli nom, elle s'appelle Cooksonia, en fait. Et elle nous vient d'Irlande. On l'a découverte en Irlande. Et ce qui est caractéristique de cet organisme, c'est qu'elle possède cette molécule qui est caractéristique du bois, au sens vraiment botanique du terme, cette fois-ci, qui s'appelle la lignine. Donc, c'est une molécule bien spécifique, une longue molécule qui donne la rigidité aux structures végétales. Donc, cette plante, donc on sait qu'elle possède de la lignine et on sait aussi que pour se reproduire, elle utilise des spores. Alors, les spores, je vais en parler deux secondes. Et puis aussi, Cooksonia, elle avait des vaisseaux pour la circulation de la sève. Donc, tout ça, c'est des structures qu'on sait que cette plante avait. Alors, les spores, c'est quoi? C'est, je vais prendre une analogie vraiment horrible, mais c'est comme si les femmes répandaient leurs ovules fécondés dans l'air, en fait, et qui vont atterrir et puis ils vont germer quelque part pour donner un nouvel individu. Alors, moi, ça m'emplit de joie, personnellement. Comment? Moi, ça m'emplit de joie comme c'est exactement comme ça que je le vois. Donc, ouais, parfait. Juste pour dire, quand on parle de première plante terrestre, en fait, on parle de première plante embryophyte. Et c'est le terme consacré pour pouvoir décrire ça. Et donc, en effet, la première plante embryophyte, c'est Cooksonia. C'est donc celle avec un tout petit peu de lignine et justement ces fameux spores. Alors, elle a un port dressé, donc elle est plus flasque comme les algues. Et elle effectue la photosynthèse, mais dans la tige, en fait. Hein. Et on pense qu'elle formait des tapis dans des estuaires et au bord des littorales. Oui, on dit littoral en pluriel. Oui. J'allais dire littoraux, mais ça doit être ça. Bon, un vitrail des vitraux, un littoral des littoraux, un festival des festivaux. Je veux dire, soyons... C'est normal, quoi. Il fut un temps que je parlais bien français, mais... Ça... plus. Bref, elle a l'apparence d'un petit jonc qui est dressé, qui est environ 5 cm de haut. Et donc, elle semble être apparue environ il y a 10 millions d'années, apparemment. Alors, en parallèle... Quoi? Qu'est-ce qui est apparu il y a 10 millions d'années? Non. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi j'ai dit Cooksonia, hein? 410 millions d'années. Ah oui, d'accord. Alors, attends, en parallèle... Oh ouais, c'est ça. 410 millions d'années. Ouais. D'accord. Tu disais d'ailleurs qu'on était au Silurien. C'est, oui. C'est cette époque-là, en fait. Oui, oui. 410 millions d'années. Ouais. Alors, en parallèle, la Terre est colonisée par les champignons, les bactéries, les lichens. Et il y a toujours d'autres cyanobactéries qui sont là. Et comme au début, les plantes n'ont pas de racines, elles utilisent les champignons pour aller chercher leurs nutriments à distance. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui existe encore de nos jours. Il y a 85% des plantes qui utilisent ce système. On appelle ça la mycorhize, où elles ont besoin des champignons pour prélever leurs nutriments dans le sol. C'était une des spécialités, d'ailleurs, de Marc-André Sellos, qui était venu nous parler de symbiose et qui, d'une certaine manière, travaille sur cette symbiose entre plantes et champignons qui existe donc depuis au moins 400 millions d'années. C'est quand même complètement dingue que ce soit conservé comme ça. Ouais, c'est fascinant et je trouve qu'on néglige beaucoup de champignons dans la vie, en fait. Mais tout à fait, alors que la plupart des plantes ne pourraient pas survivre sans eux. Ouais. Alors, à cette époque aussi, les animaux aussi... c'est un peu, il faut faire attention à ce que je dis, mais j'allais dire, les animaux ont suivi de près la migration végétale, en fait. On va dire qu'en parallèle, eux aussi sont sortis de l'eau. Alors ouais, je vois que tu parles de d'Ichthyostega, mais même avant les Ichthyostega, il y avait déjà des insectes qui avaient colonisé la Terre, et il y avait déjà des annélides. Des vers, justement, des vers segmentés qui avaient déjà commencé à la migration. Donc en fait, il y a eu plusieurs vagues de migration animale, mais on pense qu'en effet, elle a suivi la migration des plantes, c'est-à-dire que c'est d'abord les plantes qui ont colonisé la Terre. Ouais. D'accord. La Terre ferme, oui. Donc ce poisson qui sort de l'eau, on sait au fil de l'évolution, donc les nageoires qui ont formé les pattes et les branchies qui ont formé les poumons. Et donc, on va trouver aussi des petits arthropodes, des acariens, comme Pierre le disait, les vers dans les écosystèmes, tout ça. Alors, c'est aussi une époque où la diversité végétale, ben, ça y est, la diversité s'accroît très, très vite. Et on trouve beaucoup de fossiles, notamment, qui sont bien conservés. Par exemple, le site de Rainy, en Écosse, qui nous donne une bonne image des paysages de cette époque. Et donc, à l'époque, toute la biomasse végétale, donc tous ces végétaux, les plantes, doivent être transformés. Donc. Et là, donc, on a les champignons et les bactéries qui sont très actifs. Il n'y a pas encore d'herbivores à l'époque. Hein. Il y a ce qu'on appelle les détritivores, mais il n'y a pas de gros d'animaux qui mangent des plantes, en fait. Et d'ailleurs, certaines de ces plantes, elles existent encore. On peut citer, par exemple, le psilotome, pour ceux qui connaissent, qui est une plante tropicale et subtropicale. Et puis, une qui est aussi peut-être plus connue, qui est le lycopode. Alors, le lycopode, c'est une plante diurétique, mais aussi qui est utilisée dans l'industrie cosmétique, en fait. Alors, c'est pour ça que je la cite. Et elle est assez connue. C'est des plantes qui faisaient environ 30 cm de haut. Alors, dans ces sites aussi fossilisés, on a retrouvé maintenant les mousses. Alors, les mousses, ce sont donc des végétaux sans racines, qui n'ont pas de bois, donc ils n'ont pas cette molécule, la lignine. Et les mousses, ce sont des plantes qui doivent... Des plantes qui doivent... Il faut toujours, je pense à ce que je veux dire. Qui doivent absolument se développer dans des milieux humides, notamment pour leur reproduction. Ce sont des plantes qui ne sont pas du tout encore... qui sont encore asservies au milieu liquide. Alors, on pense d'ailleurs que les plus anciens fossiles de spores qu'on ait pu trouver datent de cette époque et qui viennent des mousses, en fait. Mais C'est vrai qu'on ne connaît pas le lien entre les mousses et les algues vertes. On connaît mal. On sait que les mousses, elles n'ont pas de bois. Mais en fait, comme elles n'ont pas de bois, elles n'ont pas cette molécule qui est dure ou rigide. Et en fait, elles fossilisent très mal. Et du coup, on connaît mal leurs histoires. On sait qu'elles étaient là il y a 470 millions d'années. Mais on ne connaît pas bien leurs histoires. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elles n'est pas tellement évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, il y a même une hypothèse d'une régression évolutive, en fait, au niveau des mousses. C'est-à-dire qu'il est possible que certaines plantes aient cessé de former des vaisseaux, donc de fabriquer de la lignine, et c'est ce qui aurait donné les mousses, en fait. Mais tout ça, c'est une hypothèse, on connaît très mal. On sait qu'elles étaient là, mais on ne les connaît pas bien. Juste, donc, les deux hypothèses qui sont exprimées ici, c'est l'une, ce serait que en gros les vaisseaux seraient apparus après les mousses et acquis pour tout le reste, et l'autre, c'est celle que tu viens de dire, c'est la régression évolutive, c'est-à-dire que déjà il y avait des vaisseaux, mais que les mousses les ont perdus, et du coup il y aurait une sorte de régression de cette structure-là chez les mousses spécifiquement. Mmh. Ouais. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'après Cooksonia, de toute façon, il y a deux grandes directions d'évolution qui peuvent être dégagées. En fait, on peut le voir de cette façon, où il y a d'une part une évolution de l'appareil végétatif, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas de l'appareil sexuel, en fait, chez les plantes. Donc, on va le voir, les feuilles, etc. Alors, j'ai noté aussi à cette époque, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les plantes, elles vont réussir au cours du temps à développer une reproduction sexuelle qui est indépendante de l'eau. Donc, l'équivalent des spermatozoïdes chez les plantes, qui sont donc les grains de pollen, chez les plantes, souvent, ils sont transportés par le vent ou par les animaux. Et une fois qu'ils sont déposés sur la partie féminine de la fleur, qui est le pistil, le grain de pollen va y pénétrer par un tube. Et donc, les plantes sont beaucoup moins dépendantes finalement du milieu liquide, alors que chez les animaux, les spermatozoïdes par exemple sont très dépendantes du liquide séminal et ils ne peuvent pas survivre hors de ce liquide en fait. Donc c'est pour ça elles sont parties dans une direction où les animaux, eux, ils ne sont pas allés finalement. Alors revenons à notre ligne au cours du temps. Donc là, on arrive à une période où encore cette fois là la diversité générale, donc elle s'accroît très très vite. On est à ce que les experts en paléobotanique, donc l'étude des plantes par les fossiles, c'est ce qu'ils appellent l'explosion végétale du Dévonien. Apparemment, c'est un terme qui est très commun. Et donc, c'est une époque où on voit vraiment apparaître donc là pour les vaisseaux qui, dans les plantes, conduisent la sève et qui permettent aussi de ce fait la rigidification des tiges par cette molécule, la lignine, et ce qui fait que les plantes deviennent plus fortes. Elles peuvent aller, elles montent plus haut, elles vont aller capter la lumière et puis elles captent aussi mieux l'eau du sol en fait. En même temps, les feuilles qui sont apparues vont aussi augmenter de surface, elles vont s'aplatir pour augmenter la surface, donc toujours dans le but de capter le plus de lumière possible. C'est probablement aussi à ce moment-là qu'il y a compétition vraiment qui s'installe entre les différentes espèces pour aller capter la lumière, comme aujourd'hui dans une forêt où il y a une espèce de hiérarchisation, j'allais dire, des espèces pour aller capter la lumière. À cette époque aussi apparaissent les racines. Donc on en avait, jusqu'à présent, on n'en avait pas parlé. Donc ces racines apparaissent à ce moment-là et ça leur permet aux plantes un meilleur, évidemment, ancrage dans le sol. Ça leur permet d'aller chercher l'eau plus loin. Et puis, il y a une conséquence, moi, j'aurais pas pensé, mais apparemment, c'était une grosse cause de l'érosion des roches, en fait. Apparemment, ça a vraiment changé aussi la structure des sols. Et puis aussi, il faut voir que la stature élevée des plantes à leur époque, à cette époque, ça leur a permis de mieux disperser les spores par le vent. Et c'est comme ça aussi qu'apparaîtra plus tard la graine, en fait. Alors, le problème, c'est que ces spores, ça résiste mal à la sécheresse. Et les plantes, elles vont devoir vraiment développer un mécanisme de protection des embryons. C'est ça, ce sont les graines, en fait. Le but de la graine, c'est de protéger l'embryon. Donc, c'est comme ça que les plantes, elles ont développé cette reproduction sexuelle indépendante de l'eau, parce qu'il faut qu'elles résistent à la sécheresse. L'équivalent, donc, de nos spermatozoïdes, c'est donc le grain de pollen. Je le disais, il est donc transporté par le vent ou les animaux et il va être déposé sur le pistil de la fleur. Et c'est donc la reproduction sexuée. Alors, dans les années 1920, et en fait j'ai trouvé des sources différentes, j'ai aussi lu 1869, mais c'est pas très grave, dans l'état de New York, il a été mis au jour, il y a eu une grosse inondation, et puis ça a permis de mettre au jour la plus ancienne forêt fossile que l'on connaisse à ce jour. C'est une forêt qui est vieille de 385 millions d'années et qui était dans une carrière inondée. Qui a été près d'une ville qui s'appelle Gilboa, et ce site porte le même nom. D'ailleurs, ce site, il est sous les eaux. En fait, à nouveau, il y a un barrage qui a été construit. Mais ça a été très intéressant. Les gens ont vraiment... ça a apporté beaucoup de données sur l'état de la flore à cette époque. Donc, on y a vu notamment les prêles. Alors, les prêles, moi, j'aime bien ces plantes. Je ne sais pas pourquoi. Elles ont une structure qui m'a toujours intéressée. Les tiges, on les casse facilement. On les appelle aussi les queues de rat ou les queues de chat. Donc, on voit les prêles qui apparaissent. Et puis, on voit aussi des fougères et on voit les premiers arbres. Alors, les fougères de cette époque, elles forment des grandes structures. En fait, c'est des structures en fait arborescentes. Hein. Elles ressemblent à des arbres. Et il y a un arbre qui est connu, qui a été identifié en 2010, donc ce n'est pas très longtemps. En fait, ce n'est pas un arbre, pardon, c'est une fougère géante, pardon. Alors là, j'allais dire une grosse bêtise. Donc c'est une fougère géante qui a été identifiée. Elle s'appelle Watesia et elle possède des spores. Et elle fait 7 à 8 mètres de haut et elle ressemblait à des grands palmiers. Donc pour vous donner aussi une idée de ce que ça ressemblait. Donc... On voit aussi dans cette forêt d'autres espèces végétales qui sont plus petites, qui, elles, ont bien du bois, de la lignine, hein, dans leurs branches. Et donc, on a une idée, grâce à l'étude de cette flore, de la structure des premières forêts du Dévonien, en fait. Alors, dans la chatroom, on peut passer... j'ai mis une image, mais c'est facile aussi sur Internet de taper « forêt du Dévonien ». Et on voit à quoi ressemblaient les forêts à cette époque. Il y avait quand même un écosystème qui était déjà bien complexe. Il y a plusieurs étages de végétation. Il n'y a pas encore de dinosaures, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'insectes. Et vraiment, ça devait être très silencieux à l'époque. Ouais, c'est très, très beau. Alors par contre, je pense qu'il y avait quand même quelques insectes déjà, mais peut-être pas les diversités qu'on... J'aurais dû dire butineurs, pas d'insectes butineurs, pardon. Oui, c'est ça, voilà. Il y avait notamment des odonates, comment ça s'appelle, des sortes de... dragonfly en anglais, de libellules qui existaient, mais en effet pas d'insectes butineurs, ouais, c'est marrant. C'est ça. Et c'est très, très beau. On dirait vraiment un décor de science-fiction, quand même, tel qu'on voit dans l'image que tu as mis dans la chatroom. Enfin, qu'on a mis dans la chatroom. Ouais. Alors là, donc, on est toujours à cette époque, au Dévonien, donc environ 370 millions d'années. Et c'est là, apparemment, que vont apparaître les vrais arbres. C'est-à-dire des arbres, c'est une structure botanique bien précise, des plantes qui fabriquent de la lignine. Donc. Alors, ces plantes-là, elles ont encore des spores à l'époque, mais donc pas de graines encore. Et on a notamment cet arbre, l'Archaeopteryx. Alors là, il ne faut pas le confondre avec l'Archaeopteryx. Alors attends, c'est Archaeopteryx. Exactement. Qui est pas à confondre. C'est atroce. C'est le... un horrible jeu de mots parce que c'est impossible à entendre. En fait, ça s'écrit presque de la même façon, sauf que la dernière lettre chez les plantes est un S et la dernière lettre chez les animaux est un X. Donc, c'est Archaeopteryx. J'imagine qu'on les prononce de la même façon, non, en français? Non, non. En français, on fait X à la fin, alors que Archaeopteryx, tu prononces juste comme ça. Donc, il y a une petite distinction. Mais peut-être en anglais, on le fait moins, ouais. Bah, je ne sais pas, mais à mon avis, même en français, ça ne doit pas être facile à entendre. Ah non, c'est galère, mais c'est... J'ai envie de dire c'est la botanique, ça. Non, c'est la voix des animaux, moi, je dis. Enfin, bref. Donc, en fait, cet arbre mesure 30 à 40 mètres de haut, quand même. 1,5 mètre de diamètre, c'est énorme. Et donc, c'est un arbre, mais c'est quand même aussi l'intermédiaire, finalement, entre un arbre et une fougère, parce que c'est un arbre, mais il utilise des spores pour se reproduire. Mais c'est quand même, donc, une nouvelle structure, avec cette organisation concentrique du tronc. Donc, avant, dans les fougères, il y avait les faisceaux. C'est des faisceaux de fibres qui sont longitudinaux. Alors que là, les troncs, ce sont des structures qui sont concentriques. Bon, vous le savez tous, hein, si vous voulez voir l'arbre, l'âge d'un arbre, vous coupez le tronc, vous comptez le nombre d'anneaux, et voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'organisation concentrique, en fait. À cette époque aussi, apparaissent ce qu'on appelle les vraies feuilles. Avant, c'était des structures plus ou moins effilées, etc. Mais là, vraiment, apparaissent vraiment la feuille. Et là, vraiment, le paysage se transforme encore. Vraiment, la canopée donc, se forme vraiment. Les sols changent aussi. Et on voit vraiment apparaître la formation de l'humus avec les écosystèmes qui viennent avec. Hein. Et donc, avec tout ça, on a ce qu'on appelle un appareil végétatif qui est très efficace. C'est l'appareil reproductif maintenant qui va changer, qui va évoluer. Alors, je ne veux pas avoir un discours trop finaliste. Hein. Je ne peux pas dire que maintenant qu'on a un appareil végétatif, on va se focaliser sur l'appareil de reproduction. Mais néanmoins, de toute façon, la fleur, on le verra, qui est l'appareil reproductif ultime des plantes, est apparue après ça. Pierre, tu me dis hein, si je ne m'exprime pas bien. Non, franchement, c'est très, très bien. Tu as remarqué qu'il y avait des écueils dans lesquels il ne fallait pas tomber en suggérant qu'il y avait des étapes et que ça menait comme ça vers le plus complexe, en imaginant que, par exemple, on peut faire même le même travers avec les humains, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des étapes pour arriver à l'homme parfait, enfin l'humain parfait, etc. Or, ce n'est pas du tout ça. Et ben, c'est exactement la même chose là, pour ces plantes-là, c'est-à-dire que les fougères, ben, elles sont encore là et ça veut dire qu'elles ont évolué aussi et d'une certaine manière, ça convient très très bien pour certains milieux. Donc, c'est pas une finalité en soi. C'est juste que si on s'intéresse aux plantes à fleurs, on doit voir toutes les étapes qui ont mené justement à leur évolution, dont ouais. celle de l'acquisition, comme tu as dit, de feuilles particulières et ensuite de modification de leur pièce reproductrice. Ouais. Moi, ça me va. C'est très très bien. Alors donc, les plantes, maintenant, elles sont bien armées quand même. Elles vont pouvoir coloniser des milieux plus arides. Aussi, ce qu'il faut voir à cette époque, qui est intéressant, c'est que moi, je n'y aurais jamais pensé non plus. J'aurais pas cru, mais c'est la respiration des plantes, leur métabolisme, qui va modifier les masses d'air et de vapeur d'eau, en fait, à tel point que... En fait, il y a beaucoup de choses qui changent. La modification aussi des sols à cause des racines, tout ça, ça va contribuer en fait à un développement massif en fait du plancton dans les océans. Alors, je vous passe les détails, mais néanmoins, le cycle de l'eau sur la planète va changer et il va y avoir une énorme chute de l'oxygène dans les eaux en fait des océans en fait. Et apparemment, c'est vraiment lié à la respiration des plantes. Et il se trouve que en même temps, la planète se refroidit. Et là, on arrive à ce qu'on appelle la catastrophe du Dévonien, un terme aussi apparemment bien connu, c'est-à-dire la première extinction de masse. Tout ça fait qu'il y a 70% des espèces océaniques, aussi bien animales que végétales, qui disparaissent. Et les conséquences, évidemment, sur toute la planète sont énormes. Et d'ailleurs, les espèces arborescentes géantes, elles mettront environ près de 15 millions d'années à repartir d'un point de vue de la diversification après ça. Donc vraiment, c'est une grosse catastrophe. Et puis, il faut attendre une nouvelle période qui sera prospère, qui est celle du Carbonifère, qui permettra d'assister à une nouvelle apothéose du monde végétal. Alors là, évidemment, vous voyez que je vais vite, hein, mais grosso modo, ça s'est passé comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Carbonifère? Eh bien, c'est l'époque où les continents vont se rapprocher pour former un super continent, un gros continent qui s'appelle la Pangée. Et donc, toutes les espèces dont je viens de parler, que j'ai précédemment décrites, elles reviennent en force. On retrouve les fougères géantes arborescentes, les fougères à graines. J'en ai pas beaucoup parlé, mais il y avait quelques fougères qui s'étaient mises à former des graines. On retrouve beaucoup de prêles. Et la biomasse, elle redevient énorme. Tout repart. Tant est si bien d'ailleurs que les feuilles, les troncs, tout ça s'accumule dans les eaux qui sont stagnantes. Et ça forme ce qu'on appelle les tourbes, qui plus tard formeront le charbon en fait. Et c'est vraiment parce qu'à l'époque, les champignons et les bactéries qui sont vraiment capables de détruire le bois apparaîtront plus tard, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de végétaux de cette époque qui sont accumulés dans ces eaux stagnantes qui sont dépourvues d'oxygène. Et ce serait comme ça que se serait formé le charbon. Alors, dans ce milieu végétal donc particulièrement riche, vont aussi apparaître les vertébrés terrestres. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde... encore une fois, j'aime beaucoup les prêles. Si on les regarde, comment les prêles sont, on a une image de l'échelle miniature d'une forêt de cette époque, en fait. Alors, j'ai parlé aussi des fougères à graines. Donc, ce qui est intéressant dans la fougère à graines, c'est que c'est l'étude de la position géographique des fougères à graines aujourd'hui qui a permis d'étayer aussi, en partie, on va dire, la théorie de la dérive des continents, en fait. Sa répartition dans les zones géographiques maintenant, qui sont très éloignées, viennent ajouter un argument de plus à cette théorie de la tectonique des plaques, en fait. Alors, la suite de l'histoire, c'est un réchauffement du climat, un réchauffement de la planète. Il va y avoir une disparition des calottes glaciaires, l'apparition de déserts. Et c'est peut-être à cette époque que sont apparus les ancêtres des plantes à graines. À l'époque, c'est des toutes petites plantes qui ont commencé à protéger leurs graines dans un fruit clos. Et là, on est donc, grosso modo, à la fin du Dévonien. Et c'est aussi à cette époque qu'apparaissent donc, les conifères. Alors, les conifères, on les connaît bien hein, de nos jours. Les conifères, c'est les sapins, les épicéas, les pins, les cèdres, les séquoias, les ifs, les thuyas, tout ça. C'est aussi le ginkgo biloba qui est la seule espèce de ginkgo qui existe encore aujourd'hui, qui a la réputation dans les pharmacies de donner de l'énergie, je crois. Alors, les conifères, c'était des végétaux qui étaient capables de résister très, très bien dans les climats très, très froids. Ils ont des feuilles très réduites qui sont protégées par un épais dépôt protecteur et qui ont en fait un mode de vie, ça je ne connaissais pas du tout, qui ont un mode de vie très ralenti. Les conifères, ce sont, en fait, on peut même dire que ce sont des végétaux qui peuvent pratiquement se mettre en hibernation profonde. D'ailleurs, chez le pin, par exemple, les graines, elles mettent 2 ans à germer. Donc, ils ont un mode de vie très, très ralenti. Et c'est vraiment avec les conifères, vraiment, que les plantes n'ont plus besoin d'eau autant qu'avant. C'est vraiment avec les conifères que le grain de pollen n'a plus besoin de nager, en fait. Donc, il est vraiment amené par le vent. Il va aller germer sur l'ovule de la plante, de la fleur, et il va former un tube. Et dans ce tube, le spermatozoïde va descendre jusqu'à ce sac où se trouvent les ovules. Je voulais m'arrêter un tout petit peu sur ce qu'est une graine, en fait. Donc, une graine, c'est une structure qui contient les embryons des plantes. Chez les animaux, une fois chez nous, chez les êtres humains, une fois que l'embryon a été créé, la croissance, elle doit continuer pour donner naissance à un nouvel individu. Alors que chez les plantes, ce qui est intéressant, c'est que cette croissance, elle peut s'arrêter. Et en fait, notamment, elle s'arrête. C'est une grosse capacité, à mon avis, d'adaptation. Alors là, c'est moi qui m'engage encore une fois, mais je le vois comme ça. C'est-à-dire que la graine ne contient qu'en gros que 10% d'eau. Et donc, dans les régions, par exemple, froides du globe, le petit embryon, qui est bien protégé, il peut grandir tranquillement. Il va attendre tranquillement, il va pouvoir passer l'hiver. Et puis, il va attendre le retour du printemps pour continuer de grandir, en fait. Et d'ailleurs, on a trouvé dans des tourbières froides, notamment, par exemple, des graines de lotus qui ont germé après 1000 ans. Au Japon, on connaît des graines de magnolia qui sont vieilles de 2000 ans, qui ont réussi à germer. Apparemment, le record actuel, ce sont des graines de lupin qui ont 10 000 ans qu'on a réussi à faire germer. Ça m'a amené aussi à faire une petite réflexion sur la longévité des végétaux par rapport à celle des animaux, par exemple. On connaît des arbres. Alors moi, je suis allée les voir, c'est fascinant. C'est les bristlecone pines de Californie. Ce sont des anciens, des pins, qui ont au moins 5000 ans. Donc, ils sont vivants, en fait. C'est super beau, d'ailleurs. Ils ont des troncs très torturés. C'est fascinant. Donc, ils ont au moins 5000 ans, en fait. Donc, on voit que le mode de croissance des végétaux, il est vraiment différent de celui des animaux. Et pourquoi, en fait, les plantes ont je le disais au tout début, sont les tissus des plantes sont pas aussi spécialisés que ceux que les chez les animaux. On n'a pas, nous, chez les êtres humains, par exemple, ou chez les animaux, il y a des organes vitaux, comme le cœur ou le cerveau. Et donc, si ça, ça disparaît, l'organisme meurt. Alors que chez les plantes, on peut avoir une partie de la plante qui disparaît, mais elle va pouvoir se régénérer, elle va pouvoir continuer à vivre. De même, on sait que les plantes ont des cancers, mais ces cancers, souvent, ne sont pas létaux, en fait. Ça ne va pas détruire la plante. La plante, elle va même être capable de former un tissu qui va isoler le cancer et éviter les métastases, en fait. C'est un peu comme si on pouvait dire que les plantes étant plus simples, elles sont plus frustres, moins comprimées que les animaux, mais en fait, au final, elles sont peut-être plus solides. On le voit, hein, y en a qui ont 5000 ans, en fait. Moi, je dirais pas qu'elles sont nécessairement plus simples. Hein. À vrai dire, tu regardes une structure de cellules végétales, y a de nombreuses structures qu'il n'y a pas dans des cellules animales. Bah, rien que les chloroplastes, c'est quelque chose de particulièrement compliqué et qu'aucune cellule animale a. Donc, je dirais pas qu'elles sont plus simples. Par contre, c'est vrai qu'il y a moins de... Ce que tu as dit, elles sont moins spécialisées. Et cette absence de spécialisation, ça leur permet de retourner dans cet état végétatif, de juste par division, comme ça, de pouvoir régénérer une partie. Alors, il y a certains animaux qui en sont capables, notamment des hydres, etc. C'est-à-dire, tu coupes une partie et ça se régénère. Mais il y a eu, en effet, une spécialisation très rapide avec des organes particuliers chez les animaux, avec cette perte progressive en fonction des lignées animales de la capacité de régénérer complètement une partie des organes. Et comme tu as dit, bah, la plupart des organismes animaux, si tu leur coupes la tête, bah, ça ne repousse pas. Et, alors que si tu coupes la plupart des parties d'un végétal, ça devrait... Enfin, d'un végétal d'une plante, même moi je me fais avoir, ça repousse exactement pareil. Voire, il y a cette capacité de... On parle même de reproduction asexuées chez les plantes, dans le sens où elles sont capables, à partir du moment où une racine s'en va et est coupée en deux, de reformer un autre arbre identique, un clone comme ça. Et ça leur permet aussi d'accumuler plus de modifications. Et ça, c'est très, très intéressant parce que c'est une couche supérieure d'évolution. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une évolution plus lente chez les plantes, c'est-à-dire qu'on voit des modifications peut-être un peu moins rapides que chez les animaux. Mais comme elles accumulent plus de modifications au sein d'un même organisme, ça peut permettre des adaptations plus efficaces. Ouais, ouais. Voilà, c'était tout pour moi. C'est super intéressant, effectivement, cette différence au cours du temps dans les spécialisations des tissus. Ouais. Alors là, on arrive à ce qu'on appelle aussi la grande extinction du Permien. Donc ça, c'est très connu. Hein. On pense peut-être à l'impact d'un astéroïde. Et là, là aussi, 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres qui disparaissent. Alors, je vais passer aussi, mais ensuite, il y a eu un refroidissement de la planète, le Trias. Donc, on est au Trias maintenant, une glaciation qui va décimer colossalement aussi toutes les espèces qui s'étaient auparavant adapté au climat chaud et humide, au marécage. Il y avait aussi à cette époque un volcanisme très intense dans la région de la Sibérie et on pense que ça a dû aussi contribuer au réchauffement des océans et provoquer des gaz toxiques en fait. Donc là, il y a eu donc, on parle donc grande extinction du Permien, glaciation de la planète, etc. Tout ça. Ensuite, quand même, les ancêtres, notamment des reptiles mammaliens qui ont survécu à cette crise du Permien, eux vont évoluer vers les ancêtres des mammifères. Donc, les plus anciens dinosaures, ils datent de la fin du Trias et deviendront donc les espèces prédominantes du Jurassique. Et donc, de cette période-là, du Trias au Jurassique, il y a environ 230 millions d'années. Donc, c'est l'époque où les continents se séparent. Les continents se séparent, les océans se forment et il y a un climat chaud et sec qui se rétablit. Et donc, on est là vraiment au Jurassique, on est environ 150 millions d'années. Donc, les températures remontent, les calottes glaciaires disparaissent et les espèces qui vont se développer, elles sont mieux adaptées et plus opportunistes en fait. Alors, on voit une croissance rapide et une grande capacité de reproduction, de dissémination qui sont vraiment les clés du succès des plantes et de la colonisation des habitats. Alors, on pense qu'à cette époque, les paysages, d'une façon générale, ne devaient pas être trop différents de ceux que l'on peut voir aujourd'hui dans l'hémisphère nord, à part que maintenant, on n'a pas de dinosaures. Alors là, Je suis un peu sceptique. Apparemment, on pense que les forêts, elles avaient beaucoup plus d'espèces. Elles étaient plus variées que de nos jours. Et finalement, je ne suis pas trop convaincue. En fait, je ne sais pas. Tout est relatif, je pense. Mais bref, il y a une grande variété végétale, notamment dans les forêts. Et ce qu'on voit aussi, que en parallèle des plantes, les dinosaures vont évoluer et le reste de la faune aussi se diversifie beaucoup. C'est l'époque où on voit apparaître les serpentes, les premiers mammifères, les insectes sociaux, les oiseaux, les batraciens, tout ça. J'ose pas vous dire d'aller voir le film Jurassic Park, mais c'est vrai que je peux pas m'empêcher d'y penser et je ne l'ai pas vu, donc. J'espère qu'ils n'ont pas fait trop d'erreurs. Si vous avez une idée du décor, hein, par rapport à ce film. Tu parles duquel? Tu parles du tout premier ou du Du dernier? premier, oui. Tu as jamais vu Jurassic Park? Non, je n'ai pas vu Jurassic Park. Bon, allez, moi je t'excuse, mais si tu n'as pas vu Star Wars, là par contre, on ne parle plus. Moi, je crois que je n'ai pas vu tous les Star Wars. Bah, ça dépend desquels, tu vois, mais si tu me dis la première trilogie... Mais on s'égare là, qu'est-ce qu'on fait? Surtout que là, on parle de botanique, faut parler de The Martian avant tout. Mais il y a une scène, alors par contre, dans Jurassic Park justement, c'est un peu dommage que tu ne l'aies pas vu, parce qu'il y a une scène que je trouve assez émouvante, c'est qu'il y a un personnage qui est une paléobotanicienne, j'imagine, c'est ça qu'on dit, ouais. Qui s'émeut parce qu'elle découvre parce qu'ils ont fait un parc en réhabilitant des organismes, des animaux, donc des dinosaures, mais aussi des plantes du Jurassique et avant. Et elle s'émeut en regardant une feuille en disant « Mais tu ne te rends pas compte, c'est une feuille, c'est un arbre qui n'existe pas depuis le Jurassique, etc. C'est impossible, etc. » Et puis après, elle voit un dinosaure et bon, elle se calme. Quoi. Bon, je vais aller le voir, d'accord. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Bon. Alors, à la fin du Jurassique, donc le climat, lui, redevient humide, les océans se retirent un peu, voire beaucoup, et de nouveau, les espaces s'ouvrent, et là apparaissent, en gros, les plantes à fleurs. Là, je vais faire un terme aussi, grosso modo, les angiospermes. Donc, en gros, les plantes à fleurs qui prennent leur essor. Alors là, apparemment, c'est un gros saut évolutif pour les plantes. Et vraiment, l'aspect des paysages va être vraiment différent. On passe au début du Crétacé. Donc là, les dinosaures sont vraiment à l'apogée. Et donc, ces angiospermes sont là. Alors, le nom angiosperme, ça vient du grec agéon. Moi, je ne parle pas grec, hein, un géon, qui veut dire petite urne en grec, donc un petit sac. Donc vraiment, les angiospermes, ce sont ces plantes qui protègent leurs ovules par des ovaires. Je ne veux pas faire d'anthropomorphisme, mais c'est quand même pas très compliqué. C'est comme chez nous, les femmes, hein, nos ovules sont dans des ovaires. On les protège comme ça. Enfin, on les protège, c'est aussi là qu'on les fabrique. Mais c'est là la grande innovation de la fleur, vraiment. Donc, elles sont apparues près de l'équateur, au Jurassique, donc environ 150 millions d'années. Donc, encore une fois, la planète est dans une période de réchauffement. Alors, pour l'anecdote, la température moyenne à Paris était environ supérieure de 12 degrés à celle d'aujourd'hui. Et Londres était recouverte d'une forêt tropicale. On en est là. Et donc, les fleurs vont vite devenir prédominantes dans le monde végétal. Alors, pour aussi se mettre un peu une idée de où on en est, l'extinction des dinosaures, il y a environ 65 millions d'années. Donc, on est dans cette période. Donc, avec les fleurs, maintenant, le gros changement, c'est que ça permet une reproduction sexuée qui est très, très efficace. Donc, les fleurs, ces plantes-là vont se diversifier très vite et très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, ces plantes, c'est les plus courantes. Il y a environ 260 000 espèces connues partout, hein, et surtout, notamment dans les zones tropicales. Et ce sont à la fois des arbres, des arbustes, des herbes. Évidemment, elles ont quitté le milieu aquatique. Elles ont coévolué avec les animaux, en ce sens qu'elles utilisent les animaux pour la pollinisation, entre autres. Ces plantes, elles ont aussi conservé ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler une reproduction asexuée. Hein, on prend un bout de racine, on le met dans l'eau et on obtient une nouvelle plante. mais c'est vraiment cette reproduction sexuée avec un individu femelle et un individu mâle qu'on peut avoir une descendance variée. Je vous renvoie au podcast de Billy là-dessus, sur le sexe, pour voir à quoi ça sert. Et puis, et c'est ça en fait qui a constitué un moteur de l'évolution qui était vraiment rapide et puissant. Alors, justement sur cette idée, pour montrer à quel point c'est puissant, quand on dit que c'est une étape évolutive, c'est en gros l'idée, c'est que avec l'apparition de la fleur, avec l'apparition de cette innovation évolutive, il y a eu un boom de diversité chez cette lignée qui a acquis cette caractéristique-là. Tu disais, par exemple, qu'il y avait 260 000 espèces de plantes à fleurs à l'heure actuelle, et toutes les autres espèces que tu as décrites avant, les conifères, etc., ça fait juste 20 000 à 30 000 espèces de plus parmi la lignée qui comprend les plantes à fleurs et les autres plantes. Ça montre, en fait, à quel point, à partir du moment où il y a eu cette acquisition-là, peut-être que c'est aussi c'est contingent des circonstances climatiques de ce moment-là, mais ça a permis juste un boom énorme de la variation de ces organismes-là et de la pullulation de ces organismes-là. Ouais. Donc, c'est pas juste une étape évolutive dans le sens, dans la complexité, mais c'était vraiment un avantage pour la diversité de ces organismes-là. Ouais. Donc, elles ont, donc la fleur, donc c'est bien l'élément clé, hein, c'est ça, c'est la structure vraiment innovante. Elles vont développer des attirails élaborés pour attirer les insectes, par exemple les pétales qui ont, par leur forme, leur couleur, leur odeur, etc. Alors là, c'est un petit peu controversé aussi, mais j'ai lu quelque part que relativement, elles ne produisent pas tellement de pollen, mais comme elles utilisent d'autres moyens pour des moyens, j'allais dire, élaborés, on va dire, pour les transporter comme les animaux, elles peuvent se permettre de ne pas en produire énormément. Oui, oui. Si tu vois, par exemple, tu compares, par exemple, la période de reproduction des conifères avec la production de pollen, c'est juste, c'est terrifiant, là, la quantité de pollen. Tu agites un sapin et tu vois ce qui sort en période, c'est juste immense comme gâchis de pollen. Avec la quantité de pollen qui est développée justement dans les fleurs, il y a aussi cet avantage-là, c'est qu'il y a, par cette association avec des insectes et d'autres animaux qui sont pollinisateurs aussi, il y a un gain d'énergie énorme, enfin plutôt une économie d'énergie gigantesque. Ouais. D'ailleurs, je me disais, cette coopération, puisqu'on en parle un petit peu d'entre les plantes et les animaux, c'est vraiment fascinant et ça serait peut-être sympa de faire un podcast là-dessus. Parce que... Ah bah carrément. C'est incroyable. J'ai vraiment pas le temps d'en parler, mais c'est fascinant, je trouve. Ouais. Donc les organes sexuels aussi chez ces plantes, donc ils sont bien protégés par les pétales et les sépales. Donc la sépale, c'est une structure qui dans la fleur. J'espère que Nico a pu mettre. J'ai fait un schéma de la fleur qu'il a peut-être mis dans la chatroom. C'est ces petites feuilles en fait qu'on voit souvent sous les fleurs. Et puis il y a auto-fécondation chez la plante ou fécondation donc par le pollen venant d'une autre fleur. Ceci étant dit, les plantes à fleurs, elles sont quand même apparues assez brusquement dans l'évolution. Et à l'époque, Darwin, il parlait d'abominable mystère, en fait. C'est parce que c'était assez en contradiction, apparemment, avec les lents mécanismes évolutifs. Et à l'époque, les gens se demandaient vraiment comment étaient apparues les plantes à fleurs, en fait, les fleurs. Et d'ailleurs, au passage, ça a été un des arguments, je ne sais pas si c'est encore vrai à l'époque, dont se servaient les créationnistes, en fait. On se demandait, mais qui est l'ancêtre de la plante à fleurs? Pourquoi une telle apparition, en fait? Et c'est en fait un écrivain qui a trouvé la théorie la plus plausible. C'était quand même quelqu'un passionné de botanique. Et ça, on arrive donc à la théorie de la feuille. C'est une théorie selon laquelle toutes les structures de la plante dérivent d'une plante originelle où la feuille était l'organe de base, en fait. Donc, toute la structure de la plante dérive de cette structure qu'est la feuille, en fait. Et ce sont les feuilles qui, au cours du temps, ont changé de forme et changé de fonction. En fait, j'imagine. Là aussi, Pierre, tu peux me corriger, mais c'est ce que j'ai dans la tête, où à l'origine, les feuilles sont apparues en premier et au cours de l'évolution, leurs structures ont changé et pour arriver à la fleur. C'est ça, et c'est vraiment mais fascinant. En fait, vous pouvez regarder les sépales, les pétales et les feuilles tout court d'une plante, et vous pouvez voir des vénules, etc. On voit qu'il y a d'une certaine manière un lien de parenté, c'est un peu normal, mais entre ces structures. Et ça fait partie d'un des sujets, d'un sujet que j'affectionne, qui s'appelle l'évo-dévo. Et il y a pas mal de généticiens et de botanistes qui travaillent sur le développement des végétaux, donc des plantes, pour voir quels sont les gènes qui permettent, par exemple, de faire transformer des feuilles de sépales en pétales et vice-versa, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a véritablement, en fait, ce lien qui permet de transformer des feuilles en pétales. Et donc, au cours du développement de la fleur, il va y avoir justement ces différentes différenciations de structures qui permettent à la fin d'avoir le pistil au milieu, les étamines, les pétales, les sépales et enfin les feuilles tout autour qui ont d'une certaine manière la même nature mais avec des petites modifications. Un peu comme, je sais pas moi, on peut voir les différentes vertèbres autour de nous qui n'ont pas exactement la même forme mais qui sont sur le même plan d'organisation. D'ailleurs, souvent il y a des plans, des fleurs, si on les regarde bien, la partie colorée, on pourrait penser que c'est la corolle. En fait, ce sont des feuilles. Ce sont des feuilles qui ont changé de couleur. C'est ça. Ouais. Le bougainvillier, c'est intéressant parce qu'ils ont souvent des couleurs très spectaculaires. On a l'impression que ça, c'est des fleurs rouges ou des fleurs roses. Et puis, si on regarde bien, en fait, la fleur est très petite. Elle est blanche et elle est entourée de feuilles qui ont pris les couleurs de fleurs, en fait. Et je crois qu'il y a plein d'exemples comme ça en botanique. Alors, faisons notre dernier bond en avant pour en arriver à la fin. Donc, à la fin du tertiaire, donc quand la végétation ressemble maintenant dorénavant vraiment fortement à celle d'aujourd'hui. Donc, au cours du tertiaire, en fait, le climat se refroidit de nouveau. Et c'est à nouveau les épisodes glaciaires qui vont en fait profondément modifier la flore. Donc, on est à environ 1,8 million d'années et la planète se refroidit toujours plus. D'ailleurs, on sait par exemple qu'avant les glaciations, la vallée du Rhône, c'était une région particulièrement chaude. Il y poussait des lauriers, des séquoias, des magnoliers, des avocatiers et tout ça, on le retrouve aujourd'hui uniquement sous forme de fossiles. Mais c'est aussi à cette époque qu'on se développe les premières plantes qui sont enfin adaptées vraiment au froid. C'est des plantes qu'on voit maintenant dans les toundras. Donc les toundras, ce sont des steppes au niveau arctique qui sont composées de mousse, et de lichen et d'herbes. Ou bien les taïgas. Donc les taïgas, c'est les forêts principalement de conifères. Donc c'est à cette époque qu'apparaît ce type de végétation. Et puis aussi, les arbres, pour s'adapter, se mettent à perdre leurs feuilles. Ou les herbes aussi, elles enfouissent leurs graines dans le sol. On peut citer, par exemple, pour illustrer ça, la pivoine. La pivoine, c'est une plante. Selon l'endroit où elle se trouve, elle va avoir une forme différente. Donc, elle a une forme herbacée si elle est dans les zones plutôt froides. Et elle a une version, on va dire, arbuste, un grand arbuste dans les tropiques. En fait. Voilà, et donc on arrive à la fin. Hein. Donc la diversification, elle continue, l'évolution probablement aussi. On voit les fleurs qui deviennent donc de plus en plus protectives et compliquées. Certains disent par exemple que des structures comme les fraises ou les cynorhodons, c'est la prochaine étape en fait de l'évolution. Mais en tout cas, on va espérer que l'histoire, elle va continuer encore pendant très très très longtemps. Voilà. Nous sommes arrivés à aujourd'hui. C'est cool. Très, très cool. Ouais, très cool. On avait deux, trois questions. Du coup, on enchaîne sur les questions. En tout cas, super, super intéressant. Allez-y. Alors, on a que deux questions, en fait. Tu n'as pas été harcelé de questions. Il n'y a pas eu d'insultes non plus. Bon, la chatroom n'a pas été très dynamique ce soir. Il y a je pense que c'est Yves, qui demande comment s'est fait le passage à une tige rigide. Et c'était une question de ballon rouge, en fait, pardon. tout ce que je peux en dire, c'est que c'est vraiment lié à l'apparition de la lignine, donc c'est cette molécule hein, qui a fait que ça donne une structure rigide. Et je pense que ça vient du fait qu'on passe encore de des structures qui étaient dans l'eau, qui étaient molles, à ce besoin sur la Terre d'avoir un pour dressé, en fait. Après, honnêtement, je ne connais pas plus. La lignine, c'est une molécule qui est finalement pas très compliquée. C'est une série de sucres qui sont attachés les uns aux autres, en fait, mais qui a, encore une fois, cette caractéristique d'être très, très dure. Alors, c'est formé que de sucres, vraiment. C'est une longue molécule. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être quelque chose ici, à ce niveau-là, du fait que les sucres, c'est une des premières molécules qui ont été formées par la photosynthèse. Et finalement, cette molécule, elle en résulte. Je ne sais pas si Pierre a d'autres informations. Bah, si c'était le cas, la lignine aurait été accumulée dès les premiers passages à la photosynthèse. Et or, il y a plein d'organismes qui s'en passent totalement. Donc, je pense que c'est justement au confluent de la pression de sélection qui était de se maintenir sur de la terre ferme, comme tu le disais, et la capacité de réaliser de la photosynthèse. La lignine, mais moi non plus, je ne sais pas trop, et je pense que c'est un sujet de recherche encore en débat à l'heure actuelle, avec probablement plusieurs hypothèses vis-à-vis de son origine et sa diversification, son utilisation dans l'évolution. Ok, et on avait une autre petite question d'Algil, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, qui dit « Salut, question un peu troll, alors je sais pas pourquoi il dit que c'est un peu troll, de quand date la séparation champignons-végétaux ? Parce que tu nous as bien précisé au début que c'était pas la même chose, et donc c'est quoi la différence fondamentale entre ces deux règnes, si t'en as un peu parlé, et puis quand c'est que ça s'est fait la séparation ? Si tu veux, j'y vais, hein. Ouais, mais c'est surtout que j'ai l'arbre phylogénétique des eucaryotes sous les yeux. Déjà, on peut dire qu'ils ne font pas la photosynthèse, les champignons. Non, et à vrai dire, en termes de parenté, on est plus proche, nous, les animaux, en termes de parenté, on est plus proche des champignons qu'on est des plantes. Ouais. En fait, il y a deux grandes lignées d'eucaryotes. Il y a, et là je renvoie à, d'une part, l'arbre du vivant que j'avais discuté ici sur Podcast Science, et un récent article que j'ai mis sur mon blog qui parle justement de la phylogénie des eucaryotes, donc l'histoire et les relations de parenté entre les différents eucaryotes. Donc les plantes vertes appartiennent à un groupe qui s'appelle les bicontes, et qui sont caractérisées, même si on peut voir beaucoup de variations de cette structure, par la présence de deux flagelles. Nous, les animaux, on est caractérisés par la présence d'un seul flagelle. D'ailleurs, on peut se rendre compte, pour certaines de nos cellules qui sont unicellulaires, comme les spermatozoïdes, qu'il y a un seul flagelle qui est propulseur. Alors que chez les bicontes, il y a deux flagelles, quand on arrive à trouver des cellules uniques, qui sont tracteurs. Et donc, le temps... qui a, enfin, le moment où se sont séparés les bicontes et les unicontes, c'est il y a bien plus de 2 milliards d'années, bien 2 milliards d'années. Donc la différence entre champignons et plantes, elle date de 2 milliards d'années. Donc c'est très, très, très, très distinct, même s'il y a des similitudes sur le mode de fonctionnement. En fait, les similitudes sur le mode de fonctionnement, parfois, ça donne absolument rien comme idée de relation de parenté. Pour pouvoir s'en rendre compte, on peut penser par exemple aux chauves-souris et aux oiseaux, qui ont un mode de fonctionnement similaire vis-à-vis de la locomotion, et qui sont pourtant des organismes très différents, mammifères d'un côté, oiseaux de l'autre. Donc voilà, retenez, nous, on est plus proche des champignons que des plantes. C'est la bonne nouvelle du jour. C'est marrant. Du coup, on a une question qui s'est rajoutée de dernière minute de Obiseb qui dit « Connaît-on des plantes d'évolution très récente, de quand datent les plus jeunes ?» Oh putain. Moi, je peux dire, on peut parler de domestication. Il y a beaucoup de plantes qui sont domestiquées et qui ont des variations d'apparence qui ne sont que dues à la présence humaine. Ouais, et qui donc sont hyper récentes. Voilà, qui sont donc hyper récentes. Bah, c'est... Il y a le maïs, par exemple, ces choses-là, quoi. Le maïs dont le plant original s'appelle la théosinte et qui comporte 9 graines tout au plus. on peut dire que c'est quand même très très très différent du maïs, quoi. Et c'est des trucs tu peux pas les mettre dans la bouche sans te péter les dents, quoi. C'est juste atroce. Et il y a aussi la carotte qui était pas orange à la base, c'est ça? Ah oui, mais ça la carotte, la couleur orange de la carotte, c'est 17e siècle, et c'est un Hollandais qui a sélectionné la couleur pour pouvoir refléter son appartenance à son pays. Alors que il y a des évolutions récentes, quoi. Ah oui, mais alors par contre, ça c'est un petit peu de la triche, on va dire. C'est comme parler d'évolution pour les chiens. C'est un chihuahua dans la nature, à mon avis, ça n'aurait pas survécu. Je sais pas si on peut dire que c'est de la triche, parce que c'est dans leur milieu naturel où il y avait de plus en plus d'humains. C'est comme ça que ces espèces-là ont survécu, quoi. Oui, mais on distingue classiquement la sélection naturelle de la sélection artificielle faite par l'homme. Après, c'est vrai que on appartient à la nature, donc pourquoi pas, mais ça se distingue. C'est légitime aussi de les distinguer, quoi. Ouais, c'est vrai que ça a des comportements un peu différents, quoi. Et puis en termes de survie, tu imagines bien que c'est des pressions différentes que si les hommes n'avaient pas été là. Je sais pas en fait, parce que quand t'imagines la notion de fruit, par exemple, alors je vais sans doute dire beaucoup de conneries, mais vous êtes là pour me corriger, moi je suis le matheux, donc le côté que les fruits aient dû développer le fait d'être sucrés pour qu'ils soient justement mangés par les animaux pour après se répandre, tu peux dire aussi, ouais, mais c'est de la triche parce que c'est l'impact des animaux, quoi. Mais c'est en ça que c'est gris, t'as raison, c'est tout à fait vrai. C'est que ce sont des relations inter-espèces qui ont chapeauté l'évolution de ces espèces, en effet. Donc, c'est vrai. Donc, on peut considérer que nous, en domestiquant les plantes ou en domestiquant les chiens, les chats, etc., on ne fait que exprimer des relations inter-espèces. Voilà, fallait être un chihuahua pour survivre, c'est pas grave. C'est vrai. Vous avez une chose à rajouter ou on passe à la suite de l'émission? Moi, je crois que c'était déjà bien complet. Ouais, vas-y, Irène. Une anecdote qui n'a rien à voir avec l'évolution, mais j'ai lu des trucs parfois super intéressants sur les plantes, par exemple la tulipe qui apparemment a été la première cause de crise économique au monde. C'est apparemment parce que les Pays-Bas vendaient les tulipes et ça devenait de plus en plus précieux que les prix de la tulipe ont augmenté. Et puis quand la production s'est effondrée, les prix ont monté de 6000%, en fait. Il paraît qu'en 1634, c'était la première crise économique de l'histoire à cause de la tulipe, par exemple. J'ai lu aussi que le lys, qui est le symbole de la royauté, c'est pas du tout un lys, c'est un iris, en fait. Bon, ça n'a rien à voir avec l'évolution, hein, mais je trouve qu'il y a plein de trucs super intéressants sur les plantes. Ça, c'est ça de faire des très très bons dossiers, c'est qu'après t'as une masse d'anecdotes que tu peux pas mettre dans ton dossier et je peux comprendre. C'est cool. C'est clair. Bref, tout ça t'es vraiment passionnant, je trouve. Ouais, je trouve aussi. Bon, on va sans doute être amené à en reparler. Je crois que c'est des sujets où c'est compliqué de pas en reparler, quoi. Ah, il y a Julie dans le coin. Tu veux faire le pitch, du coup, Julie? Ah bah non, on a dit que c'était toi. Bah très bien. Bah écoutez, la semaine prochaine, c'est une émission extrêmement spéciale. Si vous nous écoutez depuis plusieurs années, vous devez le savoir, parce que ça commence à être habituel. C'est même connu sous un acronyme, les PSAMEFCPGSCDA. Irène, tu te rappelles ce que ça veut dire? Pas du tout. Donc ce sont les Podcast Science Awards édition 2015, mais en fait c'est pas grave si ça date d'avant 2015. C'est pourtant simple. Voilà, donc c'est nos awards, donc c'est une émission légère qui va être dans l'esprit des regrettés freestyle, mais encore plus légère. Grosso modo, pour rappel, donc pour ceux qui n'ont jamais écouté les Podcast Science Awards, c'est un peu l'occasion en fin d'année de donner des récompenses plus ou moins positives à un peu ce qui nous a marqué dans l'année, aux bouquins qu'on a aimés, aux actualités scientifiques ou pas qui nous ont marqués. Voilà, donc d'un peu de faire un bilan de l'année. Si vous avez envie aussi de nous faire des contributions, de nous envoyer des choses qui vous paraîtraient intéressantes, dont vous pensez qu'il serait intéressant de parler, n'hésitez pas. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec sans doute plein de surprises. On va essayer comme d'habitude de faire un peu des stats sur l'année, combien de dossiers, qui en a fait le plus, combien d'invités, tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Celui qui a dit le plus de bêtises. Celui qui a dit le plus de bêtises, la meilleure excuse d'Irène, comme d'habitude. Enfin, les classiques reviendront, quoi. Et donc voilà, donc Podcast Science Award, la semaine prochaine, l'émission de clôture de l'année dans la bonne humeur, comme d'habitude. Voilà, du coup, Irène, la côte. Oh En fait, je voulais la dire parce que, en fait, ça s'adapte bien aux plantes, mais je pense que c'est vrai pour les... Ça s'adapte à nous aussi. C'est un truc intéressant à cogiter. Alors, c'est évidemment, il fallait bien que je passe par là. C'était quelque chose que nous a dit Darwin. Darwin qui nous a dit, ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent. Ce ne sont pas non plus les plus intelligentes. Ce sont celles qui répondent le mieux au changement. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Donc, dans la vie... En pleine, une semaine après la COP21, c'est à réfléchir. Ouais. Non, très, très intéressant. Mais je trouve, enfin, je dis ça en rigolant un peu, etc. C'est qu'on est une espèce qui a survécu et qui a pris du terrain au niveau espèce, c'est-à-dire qui s'est développée extrêmement rapidement en nombre d'individus, parce que justement, elle a su s'adapter, évoluer, avoir des innovations qui allaient plus vite que la biologie. J'avais lu dans un bouquin une formule que je trouvais assez intéressante, bon, qui serait prête à débat pendant des siècles, mais qui est intéressante, qui disait la révolution cognitive, c'est le moment où la culture, l'histoire a pris le pas sur la biologie au niveau évolutif, quoi. Et je trouve que c'est assez marrant, et c'est marrant aussi qu'à des époques comme justement les histoires du climat et tout, on se rend compte qu'on a quand même du mal à réagir rapidement à des trucs qui sont un peu plus loin dans le temps, quoi. Ouais. Plein de réflexions qui rebondissent sur ta côte. Sur ce, comme on a quand même notre Julie nationale, cette fois-ci le quiz, tu vas pas y couper. Alors, pour ceux qui ont suivi, en ce moment, on se demande si la bière après le sport, ça aide à récupérer un faux ou un tox. Alors, vous en pensez quoi? On vous demande pas une réponse bien détaillée. Vos histoires, anecdotes, avis sur la question sont ce qui nous intéresse. Donc, cette fois-ci, c'est Joanne qui se charge la réponse officielle. Je répète la colle, la bière après le sport, ça aide à récupérer un faux ou un tox. Moi, je pense que ça aide à récupérer. Après une journée... Il faut que tu notes ta réponse alors pour le prochain roue libre. C'est ça, je vais la faire en direct. Je vais essayer de boire après du Donc sport Nico pour voir. Nico pense que oui. En fait, c'est qui est-ce qui l'a posé cette question? Je crois que c'est Alan. C'est Alan? Ouais, je crois que c'est conjoint Alan-Joanne. Ouais. Et il voulait dire la bière par rapport à l'eau ou en général? Je sais pas, déjà Alan, quand on lui demande d'acheter de la bière, il ramène de l'accro. Alors, c'est pas une référence au niveau bière. Bon. On passe au plug. Alors, on commence par un plug pour Lyon Science édition 2016. Donc, cette année, ce sera le dimanche 7 février 2016 à l'amphithéâtre Charles Mérieux à Lyon à partir de 10h. Donc, on y parlera de science, bien entendu, et vous pourrez y entendre quelques voix connues de podcast science. Donc, Nico, toi, tu feras un dossier? Ouais, faut que je ne sais pas du tout encore de quoi je vais parler, mais je parlerai de quelque chose. Et je crois qu'il y a Alan qui ne va pas faire spécialement un dossier sur la science, mais plus sur la communication scientifique. Et il y aura Pierre. J'ai vu qu'il y avait Florence Porcel, Alexandre Moati, entre autres. Ouais, voilà. Après, il y a des extérieurs à Podcast Science aussi, en effet. Il y a David Loureiro aussi, je crois qu'il sera de la partie. Je ne suis pas sûr, en fait. Mais comme il est dans le coin, je pense qu'il sera de la partie. Donc, et voilà. On vous recommande bien sûr chaudement de suivre l'événement. Et plus si affinité cette année, puisque Lyon Science a lancé cette semaine une campagne de crowdfunding sur Ulule. Donc, cette campagne permettra de financer quelques petites choses. Il détaille assez bien ce pourquoi ils ont besoin d'un peu de sous. Donc, tous les gestes sont les bienvenus, petits ou grands. Je crois que le premier palier est à 5 euros. Donc, ça ne coûte pas grand-chose et ça peut les aider à faire encore mieux que l'année dernière, quoi. Voilà, tout à fait. Et on a des magnifiques, en plus, allez sur la page Ulule, même si vous n'êtes pas encore sûr de participer, vous permettra de voir des magnifiques illustrations de FIP, qu'on connaît bien dans le podcast, parce qu'il est là, je crois qu'il a été de toutes les soirées radio dessinées, celui qui fait les lapins, qui sont parfois un peu honteux, mais les lapins en tout cas. Et là, il a eu la chance d'être colorisé par Pouillot, notre Pouillot national, et ça donne tout un relief à ces lapins, c'est très très sympa. Je les ai regardés, ils sont vraiment super comme d'hab, quoi. On passe au plug suivant? Ouais. Deuxième plug pour une soirée radio dessinée bien à nous cette fois-ci. Donc le samedi 16 janvier aura lieu notre émission sur le plaisir. Elle prendra place au musée Romain de Vidi à Lausanne, en Suisse. Donc les différents intervenants nous expliqueront ce que la science a à dire sur le plaisir, tout cela illustré par nos amis du collectif Strip Science. Et on retrouvera notamment FIP et ses lapins dont on parlait tout à l'heure. Si l'entrée est gratuite, l'inscription est très importante car cette fois-ci nous sommes limités à un certain nombre de places et accessoirement on organise aussi un repas le soir, donc si vous voulez vous joindre à nous, c'est avec plaisir, mais il faut quand même qu'on prévienne le resto. On mettra les informations dans les notes de l'émission. Je pense qu'on pourra aussi mettre le formulaire d'inscription. Et puis, on lance au passage un petit appel à contribution, si on peut dire. On a pas mal d'intervenants et de dessinateurs qui viennent, qui ne sont pas basés à Lausanne. Donc, si vous avez un logement, un lit, un canapé, n'importe quoi à proposer, on est preneur. Vous pouvez nous contacter par le formulaire sur le site ou sur l'adresse du podcast, podcastscience@gmail.com. Et ça pourrait nous filer un bon coup de main. Voilà. Puis, on vous attend nombreux le 16 à Lausanne. Donc, c'est celle-là où tu ne seras pas là. Très déçu de pas pouvoir y être. Ouais, très déçu de ne pas pouvoir y être. Je pense que ça va être très sympa. Le thème est parfait. Et puis, toutes les soirées radio-dessinées sont magiques. Donc, voilà. Grosse pensée pour vous. Là, je ne peux vraiment pas y être pour une fois. Mais ça va être très sympa. Ça va être la première ou tu n'y seras pas ? Il me semble, ouais. Parce qu'il y a eu des événements autres où j'étais pas, mais qui n'étaient pas des soirées radio-dessinées. Ouais. Mais bon, à chose exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Sur ce, on conclut. Je te laisse la parole. Et ben voilà, donc vous savez maintenant que les plantes évoluent. Alors je sais même plus si je dois dire plantes, végétaux, je dois pas dire champignons, c'est sûr. Algues, c'est compliqué, c'est pas des humains, mais on aura appris que les humains étaient plus proches des champignons que des plantes. C'est un peu l'événement de la soirée. Sur ce, en tout cas, vous pouvez proposer la bonne parole. Irène, qui a appris plein de choses pour faire ce dossier, sera ravie d'avoir vos retours et vos compléments, si vous avez des compléments à nous faire. Donc n'hésitez pas aussi à venir sur le site podcastscience.fm, sur SoundCloud, sur YouTube, sur quel autre réseau social, enfin sur les réseaux sociaux de l'Internet mondial. Participez au quiz aussi. Est-ce que la bière après le sport permet de reprendre des forces? Et puis, que dire, rendez-vous la semaine prochaine pour les Podcast Science Awards. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie.